Chapitre 6e. Pendant les deux premiers jours qui suivirent le départ de Jacques du Houx, Antoinette fut taciturne et mélancolique. Elle ne sortit guère de sa chambre et passa des heures à contempler la route sinueuse et bordée de bois par où Jacques s'en était allé. Sa pensée était pleine de lui. L'image du forestier était sans cesse devant ses yeux. Le troisième jour, le facteur apporta une lettre à l'adresse d'Antoinette. Jacques l'avait écrite aussitôt après son arrivée à elle. Elle ne contenait encore aucun détail sur l'objet de son voyage. Mais elle était imprégnée des souvenirs emportés des Corderies. Elle fleurait l'amour. Jacques s'y montrait tout entier, avec sa passion concentrée, son esprit à la fois âpre, sévère et enthousiaste. Il y avait dans sa façon de penser et d'écrire, comme un ressouvenir des grands bois où s'était écoulée sa jeunesse, je ne sais quoi de rêveur et d'attendri avec une pointe de verdeur sauvage. Antoinette lut et relut ces pages couvertes d'une virile écriture, pleine, ferme et nette. Puis elle s'enferma dans sa chambre pour y répondre longuement et porta elle-même sa lettre au bureau de poste. Ainsi se passa le troisième jour. Le lendemain, la jeune fille s'éveilla avec un désir d'agitation et de mouvement. Elle avait songé toute la nuit à cette famille de Jacques où elle allait entrer, à ce monde austère et sérieux, dont les habitudes ressemblaient si peu aux siennes. Et elle signifia à Célina stupéfaite qu'elle voulait s'occuper de cuisine et de ménage, et nouant un tablier autour de sa taille, elle se mit résolument à l'œuvre. Quand elle se fut bleuie les doigts en reprisant une serviette, et qu'elle eut laissé brûler l'épaule de mouton destinée au dîner de M. Delisle, elle s'impatienta, lança son tablier au milieu de la cuisine, et alla s'asseoir, toute dépitée, sous les noisetiers du jardin. Elle n'attendait pas de lettre avant la fin de la semaine, et les heures commençaient à lui sembler longues. M. Delisle ne rentrait qu'à la nuit pour souper et dormir. D'ailleurs, il n'entendait rien aux agitations de sa fille, qu'il traitait d'enfantillage, et Antoinette ne se sentait pas encouragée à le prendre pour confident. Restait Céline, à laquelle la jeune fille pouvait ouvrir son cœur. Céline était un auditeur excellent, attentif, patient et prompt à l'admiration, mais un auditeur passif et muet. Antoinette, condamnée à un monologue perpétuel, aurait voulu que de temps à autre on lui donnât la réplique. Aussi poussa-t-elle un soupir de soulagement, quand un matin où elle était plus que jamais plongée dans un morne ennui, elle aperçut entre les dahlias du parterre la barbe blonde et les yeux souriants d'Évonime. L'ami de Jacques fut le bienvenu. Extrêmement tout, Antoinette lui fit un accueil auquel il n'était pas habitué, et qui le remplit d'une fatuité naïve. Elle fut prévenante, et inventa mille prétextes pour l'attirer le plus souvent possible aux Corderies et lui parler de Jacques tout à son aise. Elle avait, quand elle voulait s'en donner la peine, une grâce irrésistible. Évonime se laissa faire. Au fond, il était flatté de toutes ces démonstrations qu'il prenait bonnement au pied de la lettre. On a beau être sceptique, on se fait toujours un peu illusion à soi-même. Évonime oublia pour le coup les vers de son poète favori sur un certain grison chargé de reliques. « Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend. » Il ne vit pas que ce charmant accueil s'adressait surtout au confident de Jacques du Houx, et il en prit pour lui-même la meilleure part. Du reste, Antoinette procédait avec adresse. Elle entrecoupait avec art les causeries relatives à son amoureux d'entretien où Évonime trouvait son intérêt personnel. Elle flattait son amour-propre et se faisait lire de longs extraits du fameux journal. Évonime prit goût à la chose et devint l'hôte assidu des Corderies. Il y arrivait dès le matin et trouvait la jeune fille appuyée à la grille en robe de toile, la tête couverte d'un capulet rouge, déjeunant d'un morceau de pain et d'une grappe de raisin. Alors elle ouvrait lentement la porte, et il s'en allait flâner dans le jardin, dont les plates-bandes étaient encore humides de rosée. Leur promenade ne se bornait pas toujours aux allées tournantes du jardin. Parfois, il poussait une pointe jusque dans les bois, au-devant de M. Delisle. Les gens d'Aubrive, habitués aux caprices et aux façons excentriques d'Antoinette, ne s'en étonnaient pas trop, et d'ailleurs Antoinette se souciait de leur opinion comme d'un fétu. Un matin de la fin d'août, le ciel était si doucement voilé et la feuillée si fraîche qu'ils se laissèrent insensiblement gagner par le charme des bois et s'enfoncèrent assez avant dans la forêt. Antoinette avait reçu la veille des nouvelles de Jacques. La lettre de son fiancé, plus courte et moins expansive que les précédentes, lui avait paru écrite sous l'empire de quelques préoccupations extraordinaires, et elle avait passé une partie de la nuit à ruminer les phrases de cette épître très laconique. Aussi, elle avait peu dormi, elle avait mal aux nerfs et, comme le disait Céline, elle était dans un de ses jours d'orage. Tout en cheminant, elle amena la conversation sur la famille du Houx et peu à peu, avec de timides précautions, elle en vint à demander à Évonime des détails sur la personne qu'on avait jadis voulu fiancer au garde général. Là-dessus, Ormancet savait fort peu de choses. La jeune fille en question était liée avec les sœurs de Jacques, on la disait très modeste et très douce, et de tout temps ce mariage avait été un rêve choyé par ses parents. Antoinette fronça le sourcil, et sa figure se rembrunit. Elle était devenue silencieuse, et Ormancet, l'observant à la dérobée, fut effrayé de l'expression tragique que ses traits avaient prise. Il essaya de changer la conversation, et comme la promenade sous bois l'avait mise en veine de lyrisme, lâchant la bride à son éloquence imagée, il célébra les délices de la solitude et de la vie forestière. Mais Antoine était rétive à ses métaphores. Le démon de la contradiction la possédait. « La solitude m'ennuie, » dit-elle d'un ton boudeur, en s'asseyant brusquement sur un tronc d'arbre. « Quand on a vécu 6 mois au Brive, on rêve des distractions moins pastorales. » Elle restait un moment pensive et le regard perdu dans le vide, puis, secouant la tête d'un air décidé, elle reprit. « Je me sens devenir mondaine, et j'ai envie de mordre à tous les fruits défendus. Je voudrais danser, m'étourdir, et vous devriez décider mon père à me conduire à la fête d'Arc. On y donne cette année un grand bal, où viendront les officiers de la garnison. » Au seul mot d'officier, Évonime avait écarquillé les yeux. Il pensa que le moment était venu de jouer son rôle de mentor. Commença-t-il gravement. « Croyez-vous que Jacques serait enchanté de savoir que vous êtes allé à ce bal ?» Antoinette fit une légère moue. « Jacques n'est pas ici, » répondit-elle d'un air mutin. « On ne lui dira pas. »« Oui, mais je suis là, moi, et c'est tout comme. Je crois que j'excéderai mes pouvoirs en permettant. Plaît-il » interrompit brusquement Antoinette. « Vos pouvoirs, qu'est-ce que cela veut dire ?» Alors Évonime, qui ne savait rien garder, expliqua sans la moindre précaution les défiances et les peurs de Jacques au sujet du caractère fantasque et indépendant de sa fiancée. Il les exagéra même et s'étendit avec complaisance sur la mission délicate qu'il avait reçue. À mesure qu'il parlait, la physionomie de la jeune fille changeait d'expression. D'abord, ses sourcils se rapprochèrent, elle toisa Éponyme de la tête aux pieds, puis un sourire ironique retroussa les coins de sa bouche. « Ah, vraiment ! » disait-elle avec un accent de dépit, pendant qu'Ormancet commençait son cours de morale. Elle était vivement froissée du peu de confiance de Jacques et de cette plaisante idée de la faire chapitrer et chaperonner par Évonime. Celui-ci, sans se douter de l'orage qui grondait, poursuivait innocemment sa mercuriale. Antoinette le regardait de côté, et de confuses idées de rébellion et de vengeance s'agitaient dans sa tête. Tout à coup, une flamme malicieuse illumina ses yeux. Il était venu une tentation diabolique de mystifier Évonime en l'empêtrant dans les plis de sa robe de moraliste et en le faisant rouler tout le premier dans le précipice dont il était chargé de la détourner. Elle se leva et, posant sa petite main sur l'épaule du sermonneur, « Assez, vous avez raison, je renonce à ma fantaisie, mais il est temps de rentrer. Donnez-moi votre bras, je suis un peu lasse. » Elle s'appuya nonchalamment sur le bras d'Évonime, enchantée du succès de son homélie. Ils s'en revinrent à petits pas. Chemin faisant, elle s'amusa à remettre son compagnon sur cette pente de rêverie enthousiaste où elle l'avait tout à l'heure si cavalièrement arrêté. L'esprit d'Évonime était un vase dont le lyrisme ne demandait qu'à déborder. Une promenade dans les bois lui causait une griserie intellectuelle qui se traduisait par un flot sans cesse jaillissant d'effusions, d'images et de comparaisons. Il s'échauffait et devenait successivement joyeux et mélancolique, naïf et prétentieux, tantôt riant aux éclats de ses propres bons mots, tantôt s'attendrissant jusqu'aux larmes, et tout cela d'une façon décousue, inégale et bizarre. Antoinette, avec une machiavélique espièglerie, l'excitait, l'applaudissait, puis, quand il était bien en train, l'interrompait pour fredonner un bout de romance ou pour cueillir une fleur. Elle revenait ensuite à lui, reprenait son bras, s'y appuyait un peu plus fort, le regardait droit dans les yeux. « Bien !» « Où en étions-nous ? » lui demanda-t-elle de sa voix la plus caressante. À un détour du chemin, elle aperçut un talus surmonté d'un buisson de mûres sauvages. Elle y grimpa d'un seul bond, fit signe à Évonime de s'approcher, s'accrocha d'une main un jeune frêne et se mit à croquer les baies noires et appétissantes. Ormancet la regardait d'un œil de convoitise. « Calmez-vous ! s'écria-t-elle en riant. « Vous en aurez votre part !» Elle cueillit une mûre et la tenant du bout des doigts suspendue au niveau des lèvres d'Évonime. « À vous » dit-elle. Celui-ci tendit la bouche très ingénument et sentit sur ses lèvres le frôlement des mignons doigts effilés. Le manège fut répété plusieurs fois. Pour naïf qu'il soit, on n'en est pas moins homme, et le philosophe Évonime commençait à s'en apercevoir. Ses yeux étonnés contemplaient cette tête rieuse au milieu des feuillets, ce joli bras furetant parmi les ronces puis se relevant pour effleurer sa bouche, cette taille souple, mollement cambrée par les mouvements que nécessitait un perpétuel va-et-vient. Il savourait tous ces menus détails et perdait peu à peu la tête. Soudain, Antoinette sauta légèrement sur le chemin. « Vraiment, dit-elle, vous vous y habitueriez. » Puis, le regardant en face, elle poussa un éclat de rire à la vue de ses lèvres teintes d'un pourpre bleuâtre. « Quelle singulière figure cela vous fait, reprit-elle. Vous avez l'air d'un faune que les nymphes auraient barbouillé de raisins. » Ils se remirent en route. Mais cette fois, elle refusa le bras qu'Évonime lui offrait avec insistance. Elle marchait en avant, d'un pas léger et rythmé, sous la lumineuse verdure des hêtres, et pour la première fois attentif aux détails charmants de sa beauté, Évonime la suivait en l'admirant. Ce jour-là, il dîna aux Corderies, laissant la fermière du Balclavin se morfondre en l'attendant. Il quitta Aubrive tout rêveur. Il se faisait au-dedans de lui un remue-ménage curieux. Les intimes profondeurs de son moi étaient troublées par des sentiments insolites. « Ça, pensait-il, ai-je la berlue, ou suis-je en chair et en esprit le même Évonime que l'an passé ? Moi, que l'éternel féminin tourmentait si peu, me voilà tout empêché et songeur pour un tête-à-tête avec Antoinette. On dirait que cette espiègle fille m'a versé un filtre, et je crois, de vrai, que j'en deviens amoureux. Je n'ai pourtant pas rêvé. Son bras s'appuyait tantôt sur le mien avec un abandon presque tendre. Ses yeux me souriaient, et ses doigts ont effleuré ma bouche. Je ne m'en fais pas croire, mais enfin sa voix, en me parlant, avait des inflexions caressantes que je ne lui connaissais pas. L'Ecclésiaste a raison de dire de la femme qu'elle est semblable aux engins des chasseurs. Son cœur est un piège, ses mains sont des chaînes. N'importe, c'est une bonne chose que l'amour, surtout l'amour adolescent, avec ses adorables gaucheries, ses soupirs, ses silences et ses audaces inavouées. Oh, ses petits doigts tachés de mûre, il me semble encore les sentir voltiger sur mes lèvres. La vue de la ferme du Val-Clavin, dont les lumières tremblantes scintillaient entre les branches des derniers arbres de la forêt, interrompit ce monologue voluptueux et rappela Évonime à la réalité. « Ah, mon Dieu » s'écria-t-il, « et Jacques que j'oublie, Jacques qui se repose sur mon amitié comme sur un roc, eh bien quoi ? Je ne trahirai pas sa confiance. Ami courageux et fidèle, j'enfermerai mon amour sous triple serrure et personne ne le verra. J'aurai toutes les abnégations. J'accompagnerai Antoinette et Jacques jusqu'au seuil du mariage, et je contemplerai leur bonheur. Comme Adam, chassé de l'Éden, devait regarder de loin les jardins en fleurs du paradis. Je me dirai avec mélancolie, moi aussi, j'aurais pu m'asseoir sous cette verdure et respirer ces fleurs. Mais morbleu, en dépit de ma loyale amitié, je ne peux pas arrêter les battements de mon cœur comme le balancier d'une pendule. Jacques ne peut pas m'empêcher d'être amoureux, et je sens que je le suis. » Évonime retourna aux Corderies, bien décidé à se sacrifier loyalement, et bien persuadé que personne ne s'apercevrait jamais de la métamorphose qui venait de s'opérer en lui. Malheureusement, il ne savait pas dissimuler, et dans les lettres qu'il écrivit à Jacques, il laissa percer involontairement quelque chose des émotions nouvelles qui l'agitaient. Jacques, pendant ce temps, luttait contre des obstacles qu'il avait prévus, mais qui n'en étaient pas moins difficiles à surmonter. Son amour pour Antoinette avait été accueilli avec autant d'étonnement que de répugnance par sa famille, dont cette subite passion bouleversait les projets. Sa mère, surtout, qui avait toutes les préventions des provinciales contre les parisiennes, envisageait avec terreur ce mariage qu'elle traitait de folie. Une fille sans dot, ayant des goûts de luxe et de plaisir, n'entendant rien au ménage, tel était le portrait qu'elle se faisait d'Antoinette. Les objections naissaient en foule, suivie de comparaisons toutes à l'avantage du parti qu'elle avait rêvé pour son fils. Puis venaient les prières et les larmes, et tout cela tourmentait Jacques sans l'ébranler. Au milieu de ces luttes sourdes et pénibles arrivèrent les épîtres d'Évonime, pleines d'étranges effusions et de mystérieuses réticences. Jacques en fut à la fois surpris et agacé. D'un autre côté, les lettres d'Antoinette ne contribuèrent nullement à le rassérénner. Soit par étourderie, soit par un malicieux désir d'aiguillonner la passion de son fiancé et de hâter son retour, la jeune fille ne laissait passer aucune occasion d'insister plaisamment sur la métamorphose d'Évonime en Céladon, sur ses assiduités, ses boutades et ses soupirs. Évonime était de toutes les promenades, il soignait sa toilette, mettait des gants, fleurissait sa boutonnière et ne fumait plus sa pipe. Dans une lettre datée du commencement de septembre, Antoinette écrivait « Connaissez-vous les bois de La Faille ? Figurez-vous qu'Évonime et moi, nous nous y sommes perdus l'autre matin. Notre ami, qui sait peu s'orienter, n'a jamais pu retrouver le chemin d'Aubrive. Nous nous sommes embrouillés dans un labyrinthe de sentiers charmants, mais perfides, et nous avons été tombés, devinez où, à Santoge, où nous avons déjeuné en tête à tête. Ne froncez pas vos noirs sourcils jaloux. Je n'en pouvais plus de faim, et c'eût été pitié de me faire retourner à Jeun. Je serais mort en route. » Le déjeuner a mis Évonime en verve. Au retour, j'ai eu toutes les peines du monde à l'empêcher de me prendre pour une nymphe des bois et de m'enguirlander de clématite. Cette lettre et d'autres, écrites sur le même ton évaporé, irritèrent Jacques et l'attristèrent. Non pas qu'il fît Antoinette l'injure de la soupçonner. Il croyait fermement à son amour, mais cette légèreté le faisait souffrir. Il détestait cette absence de sérieux, cette indépendance indisciplinée, et ce complet dédain du qu'en dira-t-on. Toutes ces étourderies semblaient donner raison aux préventions de sa mère, et c'était là surtout ce qui l'exaspérait. Il redoutait le moment où il présenterait sa fiancée à sa famille. Il ne voulait rien écrire de ses irritations à Antoinette, mais il avait hâte d'arriver à Aubrive pour mettre un terme à ses folies et préparer une transformation nécessaire dans les habitudes et le caractère de celle qu'il aimait. Le désir qu'il avait de partir lui fit brusquer le dénouement. Il manifesta énergiquement sa volonté, arracha plutôt qu'il ne l'obtint le consentement de son père et le huit résigné de sa mère. Puis, sans prendre le temps de prévenir Antoinette, il monta dans le premier train express allant vers la Champagne. Le jour même où le courrier amenait Jacques à Aubrive, Évonime était venu passer l'après-midi aux Corderies. Monsieur de Lille était à la chasse, Céline au lavoir, et les deux jeunes gens se trouvaient seuls dans le salon dont la porte-fenêtre donnant sur la terrasse était restée entrouverte. Antoinette, assise au piano, jouait et chantait alternativement. Évonime, étendu languissamment sur le canapé, fermait les paupières pour mieux savourer la musique. De temps en temps seulement, il les rouvrait et lorgnait la taille souple d'Antoinette, la courbe moelleuse de ses épaules, sur lesquelles flottaient des rubans de velours noir, sa tête fine, légèrement inclinée, et les boucles folles frisant sur la nuque. Puis il poussait un soupir, refermait les yeux et retombait dans sa langoureuse rêverie. Antoinette se mit à jouer lentement le menuet de Don Juan. Évonime se souleva d'un air enthousiaste. « Recommencez, je vous en prie » s'écria-t-il. « Cette musique voluptueuse me chatouille délicieusement l'imagination. Je ne puis l'entendre sans me figurer une salle pleine de jeunes danseurs. Les rideaux sont baissés, le rire et le babil bourdonnent dans tous les groupes. Les couples glissent en faisant de longues révérences. Dans un coin, un danseur, assis derrière sa bien-aimée, lui murmure à l'oreille des mots d'amour qu'elle semble agiter et repousser derrière son éventail. Puis je me représente ces couples amoureux, 50 ans plus tard, couchés sous l'herbe du cimetière. Je les vois se relever au son de la musique et paraître tout à coup à mes yeux comme d'antiques revenants. » Le bruit d'un pas sur le sable du jardin l'interrompit au milieu de sa tirade. Il tourna la tête et aperçut Jacques debout sur le seuil du salon. Le premier mouvement d'Antoinette à la vue de Jacques avait été de courir à lui, les mains tendues. Mais le regard chagrin que lui jeta tout d'abord son fiancé fit sur sa tendresse l'effet d'une douche glacée et l'arrêta dans son élan. Guidé par les sons du piano, Jacques s'était dirigé sans bruit vers le salon. Il espérait trouver Antoinette seule et la surprendre. À l'aspect d'Évonime, étendue familièrement sur les coussins, son désappointement s'était traduit par la brusque altération de ses traits. Néanmoins, il redevint promptement maître de lui et s'efforça de sourire. Mais le mal était fait, et les deux côtés la pure et première joie du retour était gâtée. La poignée de main que se donnèrent les deux amoureux fut affectueuse, avec une nuance de réserve. Évonime seul manifesta bruyamment et cordialement sa joie, en sautant au cou de Jacques, avec l'effusion d'un homme qui a la conscience parfaitement en repos. Il le questionnait sur sa famille, s'informait de son voyage et de la durée du trajet. Jacques ne répondait que par des monosyllabes. « Ne s'en ira-t-il pas ? » pensait-il. « Ne comprend-il pas qu'il est de trop ?» Évonime ne bougeait pas plus qu'un terme. Il avait cru remarquer que la conversation languissait, et il croyait de son devoir de la ranimer et de l'entretenir. Enfin, M. Delisle rentra et retint les deux amis à dîner. Ce soir-là, Jacques ne put être seul avec Antoinette. Heureusement, le lendemain, il se dédommagea. Évonime était resté au bal Clavin, et le soleil de septembre luisait gaiement. Antoinette voulait faire à Jacques les honneurs de la forêt, et ils y passèrent toute la matinée. La jeune fille se sentait légère et allègre, sa figure s'épanouissait. La joie la rendait meilleure et doublait ses séductions. Jacques lui-même, gagné par la grâce qui émanait de cette nature si richement douée, oubliait les tourments de l'absence et les désappointements de l'arrivée. Elle lui reprochait doucement sa maussaderie de la veille, et il n'eut pas le courage de troubler par des paroles sévères la joie profonde de ses premières heures. Ils revinrent au logis plus aimants tous deux, plus attachés l'un à l'autre, et le reste de la journée s'écoula dans une félicité sereine. Mais Évonime reparut les jours suivants. Ils s'obstinaient à partager leurs causeries et leurs promenades. Il ne lui vint pas un moment à l'esprit qu'il était de trop et qu'il les gênait. Plein de ses idées de sacrifice et bien décidé à s'effacer dès que sa présence deviendrait un obstacle au bonheur de ses amis, il se croyait presque autorisé par ses loyales raisons à savourer sa part du charme et de la beauté d'Antoinette. Après tout, dérober quelques miettes d'un festin que son ami aurait toute la vie pour déguster, était-ce bien un gros péché? En convive respectueux et discret, il saurait ne pas incommoder ses hôtes et se retirerait au dessert. Il voyait dans cette tolérance comme un dédommagement et une récompense de son abnégation. Aussi, lorsqu'il se trouvait entière avec les deux amoureux, sa résignation affectait des airs penchés et les Jacques du plus haut comique. Parfois, au beau milieu d'une promenade, tandis qu'Antoinette cheminait au bras de son fiancé, Évonime poussait tout à coup de gros soupirs et, se tenant ostensiblement à l'écart, jetait sur ses amis un mélancolique regard qui voulait dire « Allez, soyez heureux, sans vous soucier de moi, j'ai renoncé à tout. » Ou bien, au contraire, dans un accès de galanterie, il accablait Antoinette de petits soins et d'attentions et prenait même devant les étrangers des mines de patito et de cavaliers servants, dont la jeune fille s'amusait fort, mais qui amassait de sombres nuages sur le front de Jacques. Alors, s'apercevant de sa maladresse, il voulait la réparer. Il s'emparait du forestier, lui jurait une amitié inaltérable, et terminait ses protestations émues par une poignée de main qui pouvait se traduire ainsi « Rassure-toi, c'est fini, je suis résigné ». Ses attitudes de victime, ses roucoulements platoniques et ses soupirs étouffés impatientaient Jacques et l'exaspéraient. « Est-ce qu'Évonime ne s'en ira pas bientôt à Paris ?» demanda-t-il un soir à Antoinette. « J'espère qu'il ne partira pas avant que nous soyons mariés, » répliqua-t-elle, puis voyant la figure de Jacques s'allonger. « Est-ce que cela vous contrarie ? » s'écria-t-elle en riant. « Seriez-vous jaloux d'Évonime ?» Jacques, sans répondre à cette dernière question, fit remarquer que la persistance de romancer à se trouver toujours entre eux finissait par être au moins indiscrète. « D'ailleurs, » ajouta-t-il, « cela peut donner lieu à des commentaires désagréables. Évonime devrait le comprendre. »« Bon, » fit Antoinette, saisie par le démon de la contradiction. « C'est une idée de province, cela, mon cher Jacques, que vous importe le commérage d'Aubrive. Du reste, Évonime nous sert de chaperon. Trouveriez-vous plus convenable qu'on nous vit sans cesse dehors en tête à tête ?»« Vous ne raisonniez pas ainsi, » remarqua sévèrement Jacques, « lorsqu'avant mon arrivée, vous promeniez seul avec Ormancet. » Antoinette ne supportait pas qu'on la mît en opposition avec elle-même. Pour toute réponse, elle haussait légèrement les épaules. Jacques, à son tour, se sentait froissé et irrité. « Je vous en prie, » continua-t-il, « faites entendre raison, Évonime. » Et comme il vit sur la figure de la jeune fille un nouveau signe d'impatience, il ajouta avec un accent impératif, « Je désire que tout cela finisse. » Antoinette tressaillit à ce ton d'autorité. Elle devint rouge et jetait vers Jacques un regard de défi. « Faites vos commissions vous-même, » dit-elle d'une voix brève. Ces mots étaient à peine sortis de ses lèvres qu'elle regrettait déjà de les avoir prononcés. Le forestier avait pâli et ses yeux avaient pris une profonde expression de tristesse qui remua le cœur de la jeune fille. Elle vit ce regard désolé, fut saisie de repentir et sautant vivement au cou de Jacques. « Pardon, » s'écria-t-elle, « je vous ai fait de la peine, je suis mauvaise. » Il lui serra silencieusement les mains et sourit. « Oui, » continua-t-elle d'un air à la fois suppliant et câlin, « je suis mauvaise, mais je vous en prie, ne me parlez jamais durement comme tout à l'heure. Ma méchante nature emportée qui se rebelle contre une parole dure fléchit au moindre mot tendre. Je vous en prie, soyez doux et patient avec moi. Moi, je vous jure de travailler de mon mieux, être meilleur. » Il le lui promit en baisant longuement ses petites mains. Alors, un sourire reparut sur les lèvres d'Antoinette, élevant vers Jacques ses beaux yeux pénitents et caressants. « Promettez-moi aussi, » ajouta-t-elle, « que s'il nous arrive encore de nous quereller, vous ne laisserez jamais passer une nuit sur notre fâcherie. » La paix fut signée. Malheureusement, elle ne dura pas. Éponine revint et reprit son agaçant manège d'amoureux incompris et sacrifié. Antoinette l'accueillit avec plus de réserve, il est vrai, mais le philosophe romancé n'eut pas l'air de s'en apercevoir et continua de soupirer. Les froncements de sourcils et les mines moroses de Jacques reparurent. Seulement cette fois, il ne se plaignit pas. Il devint taciturne et la jalousie s'infiltra lentement dans son cœur. Il se rappela ses premières appréhensions, les assiduités d'Ébonyme au Corderie, la soirée de la Fenaison dans le Val-de-Germaine, les réponses hésitantes d'Ormancé quand il l'avait questionné sur son amour pour Antoinette. Tous ces souvenirs l'assombrirent et le tourmentèrent. La jeune fille s'aperçut de cette maussade humeur et s'en impatienta. Envahie de nouveau par une mauvaise inspiration, cédant à cette capricieuse témérité qui la poussait toujours à côtoyer les précipices, elle recommença avec Ébonyme son jeu d'enfantine coquetterie. Les nuages s'amassèrent plus épais, mais Ormancé continua à ne s'apercevoir de rien. Il fallut que Céline, plus clairvoyante et effrayée de la tournure que prenaient les choses, se décida à lui ouvrir les yeux. Un jour qu'il arrivait tout joyeux, il fut reçu dans le jardin par la fidèle bonne, qui ne lui mâcha pas ce qu'elle avait sur le cœur. « Écoutez, commença-t-elle, puisque nous voilà entre quatre yeux, il faut que je vous dise une chose, c'est que si vous continuez vos roucoulements avec Antoinette, vous finirez par nous attirer quelques tablatures. C'était l'an dernier qu'il fallait lui faire la cour, quand elle avait le cœur libre. Aujourd'hui, elle a un amoureux. Adieu, panier, vendanges sont faites, il faut tirer vos guêtres et partir pour Paris, le plus tôt sera le mieux. » Et comme Évonime, écarquillant ses yeux candides, allait se récrier. « Oh, je sais bien, » poursuivit-elle, « que vous n'y entendez point malice, mais il ne faut pas badiner avec le feu. Si Antoinette, qui est une enfant, ne prend pas la chose au sérieux, M. Jacques, lui, n'est ni aveugle ni endurant, et cela finira mal. Or, comme Antoinette l'aime, je n'entends pas qu'on lui fasse du chagrin. » « C'est pourquoi, » dit Céline, en ouvrant la porte toute grande, « je me suis permis de vous dire tout franc ce qui en est. Un bon averti en vous deux. » Évonime se retira la tête basse. « Cette brave fille a raison, » songeait-il. « Je joue un vilain jeu, et l'heure du sacrifice a sonné. » Il résolut de s'éloigner, et en arrivant à la ferme, il commença ses préparatifs de voyage. Mais un des petits travers d'Évonime était de ne jamais rien faire simplement. Dans les circonstances les plus graves, il lui fallait un accompagnement théâtral, une sorte de mise en scène qui embellit les détails prosaïques des choses. Il se résignait bien à partir, mais il voulait que son départ fût marqué par un incident poétique qui en sauva la banalité. Après avoir bien cherché, voici ce qu'il imagina. L'anniversaire de la naissance d'Antoinette tombait le 20 septembre, et ce jour-là précisément avait lieu ce bal d'arc auquel la jeune fille avait désiré assister. Il fixa son départ à cette même date, puis il obtint une invitation pour M. Delisle et sa fille, et la fit envoyer sous enveloppe au Corderie. Il arrêta ensuite le programme suivant, il conduirait ses amis à la fête d'arc, et au milieu du bal, il se lèverait, tout enivré de musique, serrerait les mains des deux fiancés, leur ferait solennellement des souhaits de bonheur et s'évanouirait entre deux accords mélodieux. Le 20 septembre, Antoinette, radieuse, descendit au jardin. Autour d'elle, comme au fond de son cœur, tout était joyeux. Le temps clair, le vent tiède, le soleil souriant. Jacques l'aimait, rien ne s'opposait plus à leur mariage, dont la date était fixée au premier jour d'octobre. Jamais la vie ne lui était apparue sous des couleurs plus roses et plus charmantes. Après le déjeuner, Évonime et Jacques entrèrent au salon et on se mit à faire un peu de musique. Au même moment, Céline apporta un pli à l'adresse d'Antoinette qui déchira rapidement l'enveloppe. « Une invitation pour le bal d'arc, » s'écria-t-elle en battant des mains. « Moi qui ai justement une toilette toute prête. Qui m'a fait cette bonne surprise ?»« C'est vous, Jacques, » dit-elle en s'élançant vers le forestier. « Vous avez deviné mon désir. Merci. » Jacques était devenu soucieux. « Non. » répondit-il, « l'idée ne vient pas de moi. J'y pensais d'autant moins que ce soir je dois me trouver avec M. Delisle chez le notaire qui prépare notre contrat. « Ah !» reprit la jeune fille d'un air désappointé en jetant l'invitation sur le piano. « Qui donc alors a eu cette pensée ?» Évonime faisait des mines mystérieuses et riait sous cape. « C'est vous, Évonime ? » continua-t-elle avec une nuance de dépit. « À la bonne heure. Les affaires sérieuses ne vous absorbent pas. Vous et vous daignez descendre au niveau de la frivole humanité. » Ormancet convint modestement qu'il était l'auteur de la surprise. « N'y aurait-il pas moyen, ajouta-t-il, de remettre à demain son rendez-vous d'affaires ? Je vais en causer avec M. Delisle, et s'il dit oui, je vous emmène tous dans un char à banc qui nous attend à la porte. » Jacques gardait le silence. Évonime sortit, et les deux amoureux restèrent seuls. Antoinette tambourinait d'un air distrait sur le couvercle du piano. Jacques, les sourcils froncés et l'humeur sombre, allait venait dans le salon. Il releva tout à coup la tête et s'arrêtant devant la jeune fille. « Antoinette, dit-il d'une voix grave, j'ai une prière à vous adresser. Faites-moi le sacrifice de cette partie de plaisir. »« Quant à cela, non, répondit-elle impétueusement, c'est de l'égoïsme pur. Je conçois que vous soyez fâché de consacrer votre soirée à des affaires ennuyeuses, mais ce n'est pas une raison pour forcer les autres à s'ennuyer loin de vous. Il y aura, comme d'habitude, un second bal dans 8 jours, et je vous y conduirai moi-même, murmura-t-il en s'efforçant de parler avec douceur. Ce ne sera donc qu'un plaisir à journée. Il me semble d'ailleurs plus convenable que vous preniez ce plaisir avec moi qu'avec Évonime. Et pourquoi donc ? Demanda-t-elle d'un air provoquant. Je vous assure qu'Évonime est un cavalier très prévenant et très respectueux. Je ne doute pas du respect d'Évonime, mais ainsi que je vous l'ai déjà dit, ses prévenances même, dans la situation où nous sommes, sont indiscrètes et compromettantes. Compromettantes ! Antoinette eut un éclat de rire nerveux. « Voilà que vous retombez dans vos rêveries jalouses, mon cher Jacques. Cette jalousie est parfaitement ridicule. »« Ridicule ou non, dit Jacques, sourdement irrité, elle existe. Elle me fait souffrir, et je vous supplie de ne pas ajouter un pareil jeu. » Antoinette haussa les épaules et continua de battre nerveusement le bois du piano. « Et, reprit le forestier d'une voix altérée, si mes prières n'ont pas le don de vous arracher ce léger sacrifice, j'ajouterai qu'au nom de notre amour, je l'exige. » Elle se retourna brusquement pour lancer à Jacques un regard plein de tempête. « Et moi, je n'obéirai jamais à de pareilles exigences. Prenez garde !» répondit-il avec une froideur apparente. « Je vais croire que votre désir de plaire à Évonime est plus fort que votre crainte de me mécontenter. Votre obstination a une allure étrange. Et vous, s'écria Antoinette, dont les yeux jetaient des éclairs, votre insistance est pleine de soupçons injurieux que je ne veux pas supporter. » Jacques s'était adossé à la cheminée. Ses yeux avaient une expression presque farouche et semblaient plus noirs que jamais. L'une de ses mains cachées sous sa redingote tordait avec fureur l'étoffe de son gilet. Il se sentait envahi par une colère violente, unie à une amère tristesse. Il fit encore un effort pour se contenir et interrompant le silence qui régnait dans le salon. « Antoinette, murmura-t-il, je vous en supplie, ne jouez pas ainsi avec mon cœur. Ce que je souffre en ce moment est impossible à dire. » Elle considéra un instant les traits contractés de Jacques et tressaillit. Un mot de plus, un regard affectueux, une main tendue, et Antoinette, pleine de remords, se fut jetée dans ses bras. Par malheur, Jacques n'aperçut pas ce premier frisson d'attendrissement, et sans lever les yeux, il poursuivit d'une voix saccadée. « Écoutez, ceci est très sérieux, et je vous prie d'y penser très sérieusement avant de répondre. Si vous persistez à aller à ce bal, vous me ferez une offense mortelle, et je sortirai d'ici pour n'y revenir jamais. » Tout fut fini. Le mauvais ange qui soufflait la violence et la révolte au cœur d'Antoinette l'emporta. Elle redressa la tête d'un air de dépit et ses yeux reprirent cette teinte troublée qui annonçait la tempête. « Comme vous voudrez, » dit-elle, « je ne cède jamais aux menaces. » « Antoinette !» Et Jacques fit quelques pas vers la porte vitrée. « Allez, » continua-t-elle sans se retourner, « si votre cœur vous dit de partir, partez !» « Adieu donc » s'écria-t-il avec un accent douloureux, mais ferme et résolu, il sortit par le jardin. Pâle, immobile comme une statue, l'œil fixe, les mains serrées l'une contre l'autre, elle écoutait le sable crier sous les pas de Jacques qui s'éloignait. Quand elle n'entendit plus rien, elle se retourna, aperçut la lettre d'invitation posée sur le piano, la saisit et la froissa avec colère entre ses doigts. Au même moment, la porte du salon s'entr'ouvrit. Évonime entra, la figure épanouie, et s'écria. « C'est entendu, on renverse la marmite et je vous emmène dans ma voiture. » Il s'arrêta en voyant la figure bouleversée d'Antoinette. « Eh, mon Dieu, qu'avez-vous? Où est Jacques ?»« Jacques est parti, » répondit-elle, « et vous pouvez le suivre, car je n'irai pas au bal. »« Comment ?» balbutia-t-il ébahi. « Vous y renoncez ?»« Moi qui vais remuer ciel et terre pour vous procurer une invitation ?»« Votre invitation ?» dit Antoinette furieuse. « Tenez, voilà ce que j'en fais !» Elle déchira la lettre avec des larmes de rage et en jeta les morceaux à terre. Ébonime, effaré, la regardait sans rien comprendre. « Bonté du ciel !» murmura-t-il. « Enfin, qu'y a-t-il ? Il n'y a que vos visites me fatiguent, que vos attentions m'obsèdent. Depuis votre arrivée, vous n'avez commis que des maladresses et ne m'avez attiré que des ennuis. J'en suis lasse, horriblement lasse, et je vous prie de me laisser en paix. » Le malheureux, roulant des yeux éperdus, s'agita avec des mines suppliantes. À la première parole qu'il essaya de proférer, la colère de la jeune fille redoubla. « Laissez-moi, » dit-elle, « vous m'êtes insupportable, je vous hais, entendez-vous, allez-vous-en » Elle frappait du pied avec violence, et ses lèvres pâlies frémissaient. Ormancet, effrayé, se recula, mais Antoinette n'eut pas l'air de le voir. Elle ouvrit la porte et disparut, laissant le triste Ébonime en contemplation devant les débris de son invitation malencontreuse.